Le rubis de Buckingham, chapitre 1er. Avez-vous passé une bonne soirée? Demanda Lady Holder à sa vieille amie Lady Farwar. Excellente. Cette Mary Garden est belle à voir et sa voix est splendide. Toute la troupe est d'ailleurs très remarquable. Et l'orchestre a très bien rendu les nuances de la musique de Bizet, sous le bâton de son nouveau chef, dit à son tour Lord Holder, qui sans transition ajouta: Dieu, que les dégagements de ce théâtre sont donc mal commodes, on n'en finit pas de sortir. Ces propos s'échangeaient en plein de la Season de 1908, dans le couloir des loges de Covent Garden à Londres. La foule, d'une extrême élégance qui se pressait là, était lente à sortir en effet, et la présence des valets de pied qui attendaient près du vestiaire avec sur le bras manteau ou pelisse n'était pas faite pour faciliter les choses. En voyant Lady Holder et Lady Farwar, deux grands valets se détachèrent silencieusement du groupe de leurs semblables et vinrent présenter leurs manteaux aux deux grandes dames. George, le valet de pied, venait de poser sa rotonde de fourrure sur les épaules de Lady Farwar. Lord et Lady Holder, emmitouflés à leur tour, prenaient congé d'elle, quand tout à coup la grande dame eut un tressaillement nerveux et pâlit légèrement. « Dieu ! » dit-elle à mi-voix, « mon pendentif !» Elle avait rouvert sa rotonde et sa main gantée de blanc tâtonnait fiévreusement sur sa poitrine. « Quoi, l'auriez-vous perdu ?» demanda Lady Holder, stupéfaite. « Je le crains, » murmura Lady Farwar. « Peut-être est-il resté dans la loge ?» dit Lady Holder. « Certainement non. Je l'ai encore touché tout à l'heure en jetant mon écharpe sur mes épaules. » dit Lady Farwar, toute troublée. « Il faut que je l'ai perdu dans les couloirs. »« Ou qu'on voulait voler ?» grommela Lord Holder. « Voler ici, ce n'est pas possible !» fit Lady Holder. « Tout filou correctement vêtu peut prendre en payant telle place qui lui convient, » répliqua Lord Holder. « Demeurez là, je vais aller prévenir les gens du contrôle. » On s'attroupait autour des deux femmes. Les deux valets de pied, impassibles, s'étaient éloignés de 6 pas et, debout contre le mur de marbre, attendaient. Lord Holder revenait en compagnie du secrétaire du théâtre qui, fort ému, salua Lady Farwar et sa compagne. « Nous allons tout de suite faire le nécessaire, » dit-il. « Cette nuit même, on fouillera partout, même dans les étages supérieurs, où pourtant vos grâces ne sont pas allées. »« Je n'ai pu perdre ce joyau qu'entre la loge où nous nous trouvions et l'endroit où nous sommes, » dit nerveusement Lady Farwar. « Je l'ai encore touché à la fin du dernier tableau, juste au moment où Don José tue Carmen. »« Pouvez-vous m'en donner une description succincte ?» demanda le secrétaire. « C'est un ovale de brillant. » Monté sur platine, à bélière incrustée d'un brillant un peu plus gros que les autres. Au centre de cet ovale pend un rubis en forme de poire, dont la plus petite extrémité est prise dans un motif ornemental en platine et en brillant. Le rubis est gros comme un petit œuf de pigeon. Sur les côtés de l'ovale, en chute, sont 2 barrettes mobiles triangulaires pavées de brillants, attachées à la pièce principale par leur plus petit côté. Derrière l'anneau, figure en haut mon monogramme gravé GF. En bas, le poinçon de Sheldon, le joaillier, un S dans un cercle. Pendant que parlait Lady Farwar, Lord Holder, sur l'une de ses cartes de visite, traçait un croquis schématique du bijou perdu et le remettait au secrétaire. Ce soir-là, Gladys Farwar rentra fort tristement dans son bel hôtel et ne dormit guère de la nuit. Chapitre 2e. Le lendemain, à 10 heures du matin, le secrétaire du théâtre se faisait annoncer chez elle et lui présentait, sitôt mis en sa présence, une chaînette galon en or, très plate, très fine, assez usée et rompue en 2 tronçons. « Ne serait-ce pas là la chaînette qui soutenait le joyau perdu par votre grâce ? » dit-il. « Oui, » dit Lady Farwar, toute pâle d'insomnie. « Cette chaînette est bien celle qui soutenait le pendentif. Où l'avez-vous trouvée ? » ?»« À gauche, près de la porte de sortie. Selon moi, mais ce n'est là qu'une opinion toute personnelle. On a dû ramasser le pendentif, le garder et jeter la chaînette, jugée sans valeur. Ce doit être cela, en effet, dit Lady Farwar. Je vous remercie, monsieur. Le secrétaire se retira, laissant la grande dame anglaise en proie aux pensées les plus moroses. Une journée s'écoula, puis une autre. Lady Farwar venait de terminer son lunch du bout des dents, le 3e jour, quand on la vint avertir qu'une jeune femme demandait à lui parler au sujet de la personne qu'elle avait recommandée à Sir George Kendall. « Je ne sais pas de quoi il s'agit, » dit Lady Farwar, fort surprise, mais je vais recevoir cette personne. » 5 minutes plus tard, Lady Farwar, dans un petit salon où elle venait d'entrer, se trouvait en présence d'une très jeune femme aux yeux noirs, au teint ambré, grande et svelte, très bien mise, sobrement parfumée, et dont la grâce et la distinction l'impressionnèrent favorablement. « Permettez-moi, madame, de me présenter moi-même, » dit la jeune femme en français. « Je me nomme Elsa Van Legel et, bien de la part non de Sir George Kengel, qui n'existe pas, mais d'Arthur Sheldon, votre joaillier, à qui m'adressait Winter Springfield, son confrère du Strand, qui, depuis que j'ai fait arrêter chez lui les voleurs des colliers de l'actrice française Elle, s'intéresse à moi et me fait employer le cas échéant. Jusqu'à présent, il n'a pas eu à s'en repentir, » acheva Elsa avec un petit sourire. « Ah, c'est vous qui avez fait arrêter ces deux canailles, » dit Lady Farwar. « Je vous en félicite, mademoiselle. Mais pensez-vous donc que vous pourriez retrouver ce pendentif ?»« Je l'espère, madame, » dit modestement Elsa. « Ah, je donnerai 4 000 livres pour entrer en sa possession, » dit ardemment Lady Farwar. « Il s'agit dans ce seul pendentif de 3 pièces historiques, vous savez, vous le connaissez. » « Sheldon m'en a donné la description, mais ne m'en a pas dit l'histoire, » répondit Elsa. « Je vais vous la dire en peu de mots. Le rubis est un sang de pigeon des Indes. Son poids est de 14 carats, je crois, et sa perfection est telle qu'il vaut une fortune. Il a été donné à l'un de mes aïeux, Sir John Nicholas Metcalfe, qui fut l'un des fidèles de Lord Buckingham et acheva sa carrière comme Lord Amiral. Lord Buckingham lui en fit présent à l'occasion de son mariage, peu de temps avant d'être assassiné. À ce moment-là, il était estimé 20 000 livres. Jugez ce qu'il vaut maintenant. » Elsa Van Legel inclina la tête en silence. « L'ovale de diamant dans lequel il est suspendu, » poursuivit Lady Farwar, « provient du grand costume de gala que portait le jour de son couronnement le roi George IV. Il retenait sur son épaule le flot de rubans de la jarretière. La reine Victoria en fit don à ma mère à l'occasion de ses fiançailles. Enfin, les deux ornements situés à droite et à gauche de l'ovale sont deux rayons qui proviennent de la plaque de grand croix de l'ordre de l'étoile des Indes que portait Holkar Rukh Singh, Raja de Jaipur, qui les donna à mon mari en signe de fidèle affection. Las de voir ces belles pierreries demeurer sans emploi dans mon écrin, j'eus l'idée, au moment du couronnement du roi Édouard VII, de les faire assembler par Sheldon, qui en fit un tout assez heureux. Vous comprenez maintenant pourquoi je tiens tellement à ce joyau. « Oui, madame, » dit Elsa. « Voulez-vous maintenant me dire très exactement dans quelles conditions vous avez perdu ce pendentif ?» Lady Farwar satisfit à la demande d'Elsa. « Êtes-vous bien certaine d'avoir encore touché ce bijou dans votre loge à la fin du dernier acte de Carmen ?»« Tout à fait certaine. J'ai plaisir à toucher de belles pierres. Je le confesse. Je n'avais pas porté ce pendentif depuis longtemps, et plusieurs fois, au cours de la soirée, j'en ai caressé du bout des doigts le rubis central. » Mais jusqu'à présent, hélas, on n'en a rien retrouvé que la chaînette qui le soutenait. « Pouvez-vous me montrer cette chaînette ?» demanda Elsa. « Où est-elle ? » « Dans un bide-poche sur mon secrétaire, dans ma chambre. Je vais aller la chercher moi-même. Je vous en prie, n'en faites rien. »« Mais que croyez-vous donc ?» fit Lady Farwar. « Je ne crois rien, je cherche. Aidez-moi. »« Soit, » dit Lady Farwar. « Venez, mademoiselle. » « Parlez-moi de temps en temps en anglais. » Recommencez vos phrases en français si votre femme de chambre est présente et profitez d'un instant favorable pour prendre la chaînette sans être vue. Je ferai ce que vous désirez. Mais à quoi bon ces précautions? Betty, ma femme de chambre, est depuis 20 ans mon service et c'est l'honnêteté même. Quel est son nom? Elizabeth O'Regans. Elle est de Cork. C'est elle qui vous a introduite ici. C'est bien ce que je pensais. Irlandaise, honnête, dévouée, mais curieuse et bavarde, intelligente et inventive, probablement un peu menteuse. C'est d'elle, madame, que nous devons sans doute nous méfier le plus pour le moment. » Lady Farwar, sidérée, regarda Elsa en silence durant quelques instants. « Êtes-vous donc sorcière ? » murmura-t-elle. « Comment avez-vous pu deviner aussi vite et aussi bien les qualités et les défauts de Betty ?»« C'est le métier, » dit gaiement Elsa. Les deux femmes passèrent dans la chambre à coucher. Betty, la femme de chambre, qui cousait dans un angle de la fenêtre, se leva sur un signe imperceptible, se dirigea vers la porte et disparut discrètement. « Voici la chaînette, » dit tout bas Lady Farwar. Elsa prit la chaînette. C'était, à proprement parler, une espèce de ruban plat, en or, très mince, large d'un 0,5 cm. L'anneau d'attache, complètement usé, s'est rompu près de la bélière, dit Elsa à voix basse après un rapide examen. La chaînette n'a pas été coupée, et c'est l'occasion, dans la circonstance présente, qui a fait le larron. Dieu veuille que celui qui a trouvé le pendentif n'invente pas les pierres une à une. Je ne parle pas naturellement du rubis, que sa forme, son poids, son volume rendent à peu près invendable. Si nous avons affaire à une personne qui ne connaisse rien quant à la valeur des pierreries, nous avons des chances de mettre la main dessus, surtout si les journaux ne s'en mêlent pas. » Elle avait parlé très bas. Brusquement, elle se tut, tendit l'oreille et murmura « On nous écoute, là, derrière cette porte. » Chapitre 3e. Lady Farward bondit plutôt qu'elle ne courut vers la porte désignée, l'ouvrit et se trouva face à face avec Betty. « Que faites-vous là ? » dit-elle brusquement à la servante. « Je croyais votre grâce partie, ma lady. » répliqua la servante, fort rouge. « Je revenais ici pour y prendre et continuer mon ouvrage, votre grâce. » Lady Farward regarda Elsa. La détective, avec le plus immense intérêt, considérait une miniature. « C'est bon, » dit Lady Farward. « Entrez, Betty. » La femme de chambre obéit et se rassit à sa place. « Je vous remercie infiniment, madame, » dit Elsa en français. « Ces portraits sont d'un extrême intérêt pour l'histoire que je veux écrire. » « Peut-être vous demanderai-je de revenir les voir ?»« Ils sont à votre disposition, mademoiselle, » dit presque machinalement Lady Farward, car le regard d'Elsa lui donnait beaucoup à penser. « Avez-vous déjà découvert quelque chose ?» demanda-t-elle, quand, de nouveau, elle se trouva seule avec la jeune femme dans le petit salon. « Pas encore, » protesta Elsa. « Je ne sais ni ne vois rien pour le moment. Une seule question, vous serait-il possible d'éloigner Betty pendant 15 jours ou 3 semaines ?» « Peut-être, oui, sans doute. Elle n'a pas pris vacances depuis longtemps, et je pourrais l'envoyer chez son neveu qui garde une propriété que j'ai à Bournemouth. »« Parfait. Envoyez-l'y. Et tenez-moi, je vous en prie, au courant du moindre incident. Même du plus futile en apparence. N'usez pas du téléphone. Envoyez-moi des lettres par la poste. Je tiendrai assez à ne pas revenir ici avant quelque temps. Ne me demandez pas pourquoi. Je retrouverai probablement votre pendentif, mais ne vous étonnez de rien. » Et je vous le répète, tenez-moi au courant de tout. Si vous avez quelque chose à me dire, je serai tous les soirs chez Winter Springfield, de 5 heures à 5 heures et demie. Au cas où je n'y pourrais pas être, je l'en avertirai par téléphone. » Et sur ces mots, Elsa Van Legel prit gracieusement congé de Lady Farward, fort interloquée. Chapitre 4e. Un soir, à 5 jours de là, Elsa était à 5 heures chez le vieux Springfield, quand il vit descendre de son coupé Lady Farward. Lady Holder l'accompagnait, et les deux femmes semblaient tout ensemble en proie à une émotion et un courant indicible. Elsa, sans tarder, les fit passer dans le propre bureau de Springfield et attendit qu'elles parlassent. « Vous m'avez prié, mademoiselle, dit enfin Lady Farward en français, de vous tenir au courant de tous les incidents qui pourraient survenir chez moi. Or, il s'en est produit un, aujourd'hui, mais si grotesque, si inconvenant, que j'étouffe de colère. « Calmez-vous, chère Gladys, » dit Lady Holder. « Je serai calme, chère Evelyne. Mais cela est si odieux, si vil. » Elle fouillait dans son sac, tout en parlant, et en tira une lettre, encore dans son enveloppe, qu'elle tendit à Elsa. « Lisez, je vous en prie, » dit-elle d'une voix brève. Elsa prit la lettre. Le papier en était commun, d'un mauve grisâtre, et exhalait encore un assez fort parfum de peau d'Espagne. L'écriture en était lourde et gauche, ornée de majuscules prétentieuses. L'orthographe et le style complétaient le tout. Elle était ainsi conçue. « My lady, c'est pas la peine que vous cherchiez bien loin votre voleuse. Elle est auprès de vous, vu que c'est votre grande amie, Evelyn Holder. Tout le monde sait que c'est dans la purée, une grande vieille bourride comme ça qui sait qu'attraper les gens et se faire régaler chez les autres. Elle et le Lord les ont perdu beaucoup d'argent dans les mines d'or, et alors ils ont voulu se rattraper. » À bon entendeur, salut. Quelqu'un qui sait. » Elsa se mit à rire doucement en repliant la lettre. « Ne riez pas, mademoiselle, pour l'amour de Dieu !» dit Lady Farward avec nervosité. « Cela est tellement ignoble. Ma pauvre Evelyn, vous, si parfaite et si bonne, traitée ainsi. » Evelyn Holder prit la main de son amie tendrement. « Je serais presque tentée de bénir cette ordure, Gladys, » dit-elle. « Car si je ne connaissais depuis longtemps la beauté et la permanence de l'affection que vous m'avez vouée, elle m'aurait permis de la mesurer tout entière. » Gardez précieusement ce papier, madame, dit Elsa. Oh non, non! Conservez-le, si vous le jugez utile, mais ne m'obligez pas à remporter cette horreur, dit Gladys Farwar d'un ton plein de dégoût. Soit, dit Elsa, qui glissa la lettre dans son sac. Avez-vous éloigné Betty, madame? Elle partira demain, dans la matinée. Lady Holder consentirait-elle, dans ce cas, à me présenter chez Lady Farwar comme femme de chambre? Demanda Elsa. Comme remplaçante, comme extra, naturellement. Les deux grandes dames se regardèrent. « Mon Dieu !» dit enfin Evelyn Holder. « Que soupçonnez-vous donc ?»« Rien encore, » dit Elsa. « Je cherche. Mais je crois avoir déjà trouvé un tout petit guide dans cette affaire. Et si je ne m'abuse, dans 15 jours au plus tard, et avant le retour de Betty, j'aurai, je crois, retrouvé le pendentif et découvert le, là ou les coupables. »« Mais ce n'est pas possible que ce soit Betty, » dit Lady Farwar avec agitation. « C'est elle qui a attaché le pendentif à mon col. » Elle est en dehors de toute cette affaire. Oui, dit Elsa, j'en suis persuadée. Mais enfin, voulez-vous de moi comme femme de chambre, madame? Soyez tranquille, je ferai le service de Betty aussi bien que Betty elle-même. Mais il vous faudra vivre à l'office, coucher à l'étage des domestiques, répliqua Lady Farwar. Une telle promiscuité est indigne de vous, et elle est nécessaire, croyez-moi, madame. Eh bien, soit, dit Lady Holder, je consens à vous présenter à mon amie. « Où devrais-je vous prendre ?»« Ici, demain. »« À quelle heure, madame ?» demanda Elsa en s'adressant à Lady Farwar. « Pourrais-je venir me présenter chez vous sous les traits et l'apparence de Constance Miller ?»« À 10 heures, si vous le voulez bien, » répondit Lady Farwar. Chapitre 5e. Les jours avaient passé. Constance Miller avait pris son service près de Lady Farwar. Vive, adroite, intelligente, gaie, elle avait fait la conquête de l'office, tant et si bien que le valet de pied, George Hartford, qu'à l'office on appelait Georgie tout court, lui témoignait une amitié de jour en jour grandissante, et cela au grand déplaisir de la cuisinière Dora Walls. Mi-juive, mi-écossaise, rusée, chafouine, jalouse, Dora, bien qu'il eût passé la quarantaine et comptât pour le moins 10 ans de plus que le beau valet de pied, s'était éprise de lui et connaissait, au seul bruit de son nom, toutes les délices et toutes les tortures de l'amour. Elle était forte, grande, bien en chair, avait le cheveu noir et le teint fleuri, et fort versée en son art, eut fait un plat excellent, assurait Georgie, avec un vieux bouchon, un bout de ficelle et 4 clous rouillés. En outre, elle possédait quelques économies. Et elle avait formé le projet d'épouser Georgie, d'acheter une bonne auberge dans le sud, et de vivre là, entre son mari et ses marmites, en connaissant le bonheur le plus grand qui fût au monde, sous le soleil de Dieu. Georgie n'avait pas dit non, au contraire, et s'était laissé engager, ou à peu près, sans trop rechigner, ce qui lui valait, à la table de l'office, le meilleur morceau du plat et les prévenances les plus tendres. Ils parlaient souvent de leur future auberge, du bonheur qui les y attendait. Les autres domestiques, Harry, le cocher, William, le maître d'hôtel, Betty, la femme de chambre, Minnie, la lingère, Nick, le palefrenier, et Maria, la fille de cuisine, en riaient, et disaient que cette fameuse auberge devait se trouver au pays des songes. Mais un beau jour, Georgie Hartford commença à parler d'ancien oncle, qui était le frère aîné de son père et dont il pouvait escompter la succession. Le bonhomme était affligé d'un vieux catarrhe et de 150 livres de rente. Il possédait une maison très bien montée, bien meublée, pourvue de curiosités rapportées du Japon, de Chine, des Indes, des îles sauvages. Bref, le projet des deux domestiques avait pris corps peu à peu, et Dora se voyait déjà, rougissante, la main sur le livre, la Bible, et la bague au doigt devant le clergyman. Mais la présence d'Elsa avait tout troublé. Georgie s'était pris d'un beau feu pour la jolie femme de chambre. Il délaissait Dora, et c'était à Elsa, devenue Constance, qu'il parlait de son vieil oncle et de l'héritage du dit oncle. Elsa, fine mouche, fit bavarder l'avantage de Georgie, et demanda des renseignements à l'un de ses correspondants. Elle sut que le vieillard, ancien capitaine d'armes de la marine de guerre, vivait d'une pension annuelle de 100 livres et d'une rente viagère de 50 livres à Godalming. Il habitait une vieille maison de bois, dont il n'avait que l'usufruit et qui d'ailleurs menaçait ruine, et sa collection de curiosités rares se réduisait à une panoplie d'armes de sauvages et à une douzaine de porcelaines chinoises et japonaises de bazar. Elsa ne décourageait pourtant pas Georgie et se laissait compter Fleurette en riant devant Dora qui rongeait son frein en silence, mais dont les yeux noirs, comme charbon, lançaient de sombres éclairs. Chapitre 6e. Enfin, un matin, Elsa, en apportant son thé à Lady Farwar, lui remit une lettre, décachetée, dont l'enveloppe portait le nom de Constance Miller et dont le texte était celui-ci. « Espèce de sale petite poison. C'est pour vous dire que Betty va revenir et que vous allez quitter la boîte. Eh bien, moi, je vous dis que si vous revenez tourner autour de mon Georgie, vous aurez affaire à moi. Mon Georgie n'est pas pour vous, saleté, et laissez-le tranquille, ou sans ça, ça pourrait aller mal pour vous et aussi pour lui. Je vous tannerai votre vilaine peau jaune, et lui, il ira faire un tour où c'est qu'il sera pas bien. Vous ne direz pas que je vous ai pas prévenu. À bon entendeur, salut. Dora. » Est-ce ma cuisinière qui vous a écrit cela ? Demanda Lady Farwar, suffoquée d'indignation. Oui, madame. Et ce qu'elle dit, est-ce la vérité ? Ce Georgie a osé me faire la cour, oui, madame. Et je l'y ai un peu encouragé, répliqua Elsa. Oh ! Murmura Lady Farwar. Mais pourquoi ? Pour savoir ce que je sais maintenant. Cette lettre ne vous rappelle-t-elle pas une autre lettre ? Mon Dieu ! Dit la grande dame en pâlissant. Est-ce cette Dora qui l'a écrite ? Comparez plutôt. Dit Elsa en prenant la seconde lettre dans une des poches de sa jupe et en la joignant à la première. Papier, encre, écriture sont identiques. Et les deux lettres se terminent sur la même phrase, à bon entendeur salut, avec la même faute d'orthographe. Je vais la faire jeter hors d'ici, dit Lady Farwar, hors d'elle-même. Oui, mais seulement quand elle vous aura rendu le pendentif volé. Quoi ? Dora, mon pendant ? Mais vous êtes folle. Écoutez-moi, madame, dit Elsa, et reprenez vos esprits. Ce n'est pas Dora qui vous a volé votre pendentif, mais il y a gros à parier que c'est elle qui le recèle. Le voleur, c'est Georgie, ou plus exactement, c'est lui, le larron d'occasion. Voulez-vous faire appeler Dora ? Pendant ce temps, si vous le permettez, je vais dépouiller la personnalité de Constance Miller. C'est abominable, dit tout bas Lady Farwar. Mais comment avez-vous découvert cela ? Je vous le dirai tout à l'heure, dit Elsa, qui, son bonnet, son tablier et son long fourreau de satinette noire enlevé, apparut en robe de ville. En un tournement, elle eut défait son chignon, reprit sa coiffure habituelle, enlevé le rouge dont elle fardait ses lèvres et ses joues, et ce fut une autre femme qui apparut soudainement aux yeux de Lady Farwar, étonnée. Dora, impérieusement mandée, apparut. Ses gros yeux globuleux, sa bouche lourde, toute sa face à la fois massive et rusée, disait, avouait un désarroi brutal, une crainte insurmontable, à la vue des deux lettres posées devant sa maîtresse. « C'est vous qui avez écrit cela ?» lui dit Lady Farwar. « Oui, je... C'est moi, milady. Pourquoi, dans cette lettre, accusiez-vous Lady Holder de m'avoir volé mon pendentif ?»« C'est à cause qu'elle avait fait attraper mon Georgie par milady, le jour où mon Georgie a giflé cette marchande de fleurs. Elle a dit à milady que c'était une brute. » Que mon Georgie avait mis la figure de la fille en sang. Et alors Milady a attrapé mon Georgie et l'a menacé de le mettre à la porte, balbutia Dora. Oui, il y a 6 mois de cela, dit Lady Farwar en s'adressant à Elsa. J'ai été justement entré pour un instant chez Sheldon. Lady Holder, restée dans ma voiture, m'y attendait. Une marchande de fleurs, l'une de ces malheureuses de 12 à 15 ans que vous connaissez bien, s'approcha par deux fois pour offrir ses bouquets fanés à mon ami. George la repoussa. À la troisième tentative, il saisit la pauvre diablesse par l'épaule, la gifla, la rejeta si rudement qu'elle s'étala de tout son long sur le trottoir, le visage en sang. Lady Holder ne put supporter cela, descendit de voiture, essuya le visage de la malheureuse, lui donna une livre sterling et m'avertit de ce qui s'était passé. Et c'est cette action, toute de justice et de bonté, qui lui a valu d'être dénoncée comme voleuse. Canaille, vous avez osé! Conclut Lady Farwar en s'adressant à Dora qui baissa la tête. Elsa fit signe à Lady Farwar de se taire, puis elle s'approcha de la cuisinière. Que veulent dire ces phrases que j'ai soulignées ? Ça pourrait aller mal pour vous, et aussi pour lui, et il ira faire un tour où c'est qu'il ne sera pas bien. Dora garda le silence avec un regard sauvage. Vous saviez bien que Lady Holder ne pouvait pas être la voleuse du pendentif. Mais vous savez aussi, n'est-il pas vrai ? Qui est le voleur ? Dora ne répondit pas, mais eut un rauque soupir. Le vol domestique est très sévèrement puni en Angleterre, continua Elsa. Si je décroche ce téléphone, si j'appelle la police, je suis détective assermenté à Scotland Yard, Dora. Si je vous fais arrêter, vous serez mise en prison et durement condamnée, sachez-le bien. Allons, dites la vérité. C'est pas moi, dit Dora, la sueur aux tempes. Ce n'est pas vous qui avez volé le pendentif, je le sais. Et vous savez qui l'a pris. Celui qui la volait pourrait, en effet, aller faire un tour où il ne serait pas bien. 2 ans de hard labor, Dora, c'est une lourde peine, songez-y. » La bouche de la cuisinière se tournit brusquement en une grimace horrible et ses yeux s'affolèrent. « Non, je ne veux pas, » dit-elle enfin dans un rauque sanglot. « Alors parlez, où est le pendentif ?»« Dans ma chambre, au fond d'un pot de fleurs. »« Milady, voulez-vous sonner Georgie ?» dit Elsa. La grande dame obéit. Dora était tombée à genoux et la tête basse murmurait d'une voix entrecoupée. « Grâce, Milady, s'il vous plaît, Milady, n'appelez pas la police. » Chapitre 7e. George Hartford entra quelques instants plus tard, et devant elle, debout, Lady Farwar, pâle, les yeux étincelants, Dora effondrée, il comprit tout. Avec un sourd juron, il recula vers la porte. Mais au même instant, il se sentit poussé en avant avec une force singulière, se retourna et vit Elsa qui, adossée à la porte refermée, avait un Browning à la main. « George Hartford, » dit-elle, « je vous jure qu'au premier mouvement hostile, je vous logerai une ou deux balles dans le corps. » Comme la plupart des brutes, le valet de pied était lâche. « Comprenez-vous pourquoi vous êtes ici ?» continua durement Elsa. « Oui, » dit-il en baissant le front. « Bien. Comment avez-vous pris le pendentif ?»« Je ne l'ai pas volé, miss. » »« Et la tête dans la corde, je peux bien dire qu'il m'est tombé tout seul dans la main. » grommela le domestique, tout suant d'angoisse. « C'est quand j'ai mis la pelisse sur les épaules de sa grâce. J'ai vu ce satané truc-là qui pendait, la chaîne en était cassée. » Et sa grâce, en mettant son écharpe, l'avait, sans s'en apercevoir, rejeté sur son épaule droite. Je l'ai cueilli sans être vu. On était bien bousculés dans le couloir des loges. Si on m'avait fouillé, on l'aurait trouvé dans la poche de ma houppelande. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça a été plus fort que moi. J'ai pensé que ça paierait l'auberge, et le mariage et tout. Et puis j'ai eu peur. J'ai tout dit à Dora. Je voulais aller tout dire à votre grâce. Dora, elle m'a dit... « Tais-toi, imbécile. Quand ton oncle sera mort, on vendra les diamants, comme si ce vieux-là les avait cachés, tu comprends? Et que tu les aies retrouvés dans leur cachette. Je lui ai donné le bijou. Voilà tout. »« Que ferons-nous, milady ?» interrogea Elsa. « Qu'il rende le pendentif. » « Et qu'il aille se faire pendre ailleurs, » dit Lady Farwar. Une heure plus tard, les deux coupables quittaient, la tête basse, la demeure de Lady Farwar, qui, folle de joie d'être rentrée en possession de son joyau, remettait à Elsa le chèque de 4 000 livres qu'elle lui avait promis. « Mais, ma chère enfant, » dit-elle à la jeune fille, « et j'ose dire, ma chère amie, comment avez-vous eu la merveilleuse intuition de la culpabilité de ce Georgie ?»« C'est assez simple, » dit Elsa. « Et il ne s'agit pas là d'une intuition divinatoire, mais d'un simple raisonnement. » Et comme Lady Farwar la considérait avec étonnement, elle ajouta, « Étant donné que le joyau que voilà sur cette table n'avait pu être perdu qu'entre la loge que vous occupiez et l'endroit où vous vous êtes aperçu de sa perte, distant d'une 20aine de yards de cette loge, il était assez facile, non pas de le retrouver, mais d'éliminer ceux ou celles qui pouvaient en être cause. Lord et Lady Holder, vos amis, ne pouvaient être soupçonnés. On ne pouvait vous accuser personnellement de vouloir vous faire, par la perte de ce bijou, une publicité tapageuse. De même, ne pouvait-on soupçonner le baronnet et Lady Hardley, vos voisins de loge, ni le marquis d'Ashley Dodge, ni le comte de Fumière, ministre de Belgique, ni Lady Woodrow, ni son amie Lady Palmerston, occupante des autres loges, en compagnie d'amis de leur choix. Il est bien certain, n'est-ce pas, que si l'une quelconque de ces personnes eût trouvé le pendentif à terre, elle se fût empressée de vous le restituer. La chose pour moi ne peut faire aucun doute, dit Lady Farwar. La qualité, le rang, la fortune, et au-dessus de tout cela, l'esprit, comment dirais-je, de gentilhommerie qui les anime, les eût amenés à agir comme dans la même circonstance nous eussions, vous et moi, Miss Brandlegel, agi nous-mêmes. Donc, dit Elsa, un seul personnage demeurait soupçonnable, votre valet de pied, ou, à la rigueur, celui de Lady Holder. On avait commis une faute en ne fouillant pas ce George Hartford. Mais comment l'amener à se trahir, s'il était coupable? Il ne buvait pas, ne jouait pas. Une discrète enquête, menée avant la lecture de la première lettre de Dora, m'apprit qu'il était quasi fiancé à votre cuisinière et que, pourtant, il était assez volage. Ce fut cela qui m'amena, plus que tout le reste, à entrer chez vous comme domestique et à vous prier d'éloigner Betty, car il me fallait prendre sa place. Un grand homme, dit-on, n'a pas de secret pour son valet de chambre. Pourquoi une grande dame en nourrirait-elle envers sa fidèle camériste? Je savais que Betty était bavarde, puisque c'était elle qui m'avait renseigné, au cours d'une visite que je lui fis, sous l'apparence de Constance Miller, sur les projets de George Hartford et de Dora. Je savais qu'elle était menteuse, puisqu'elle se donna à moi, non pour votre camériste, mais pour votre femme de confiance, amie et gouvernante. Il me fallait donc l'éloigner, et vous y consentîtes, à ma grande satisfaction, car j'avais peur de vous voir lui confier mes projets. George Hartford, à mon entrée, se montra méfiant, préoccupé, au grand étonnement de ses semblables. Il avait dû flairer en moi une adversaire assez dangereuse. Puis il se rassura, les jours passant, redevint gai, et ne tarda pas à se montrer galant et même entreprenant. J'étais loin de soupçonner, je dois l'avouer, que Dora était l'auteur de la première lettre. Ce ne fut que lorsque je reçus la seconde que je fus tout à fait convaincu que je n'avais pas fait fausse route, bien que déjà j'eusse acquis la preuve que votre valet de pied et le voleur du pendentif ne faisaient qu'un. Comment cela ? Elsa rougit un peu et se mit à rire. George, la veille, m'avait presque promis le mariage et annoncé qu'il allait en finir avec Dora. Il m'avait dit qu'il était possesseur de belles économies et que pour bague de fiançailles, il me donnerait un diamant. Je confiai cela, sous le sceau du secret, à la fille de cuisine et à la lingère qui n'eut rien de plus pressé que de le répéter le soir même à Dora, qui fit une scène affreuse à George en le menaçant de l'envoyer où il savait, s'il continuait ses manœuvres. Ce grand garçon taillé en Hercule et couard comme un lièvre. Il jura que tout cela n'était qu'un amas d'horribles mensonges. Néanmoins, Dora, pensant que j'étais faite du même bois que son fiancé, jugea bon de m'écrire ce que vous savez. « Tout cela est clair, » dit Lady Farwar, « et je vous remercie. Mais encore une question, voulez-vous? Pourquoi cette fille a-t-elle accusé Lady Holder? Parce que Lady Holder avait fait attraper son fiancé. Parce qu'elle voulait soulager sa rancune contre Lady Holder. Parce qu'elle pensait, ayant l'âme basse, que vous étiez pétri de la même boue qu'elle-même, que vous auriez la faiblesse d'accuser peut-être votre amie, parce qu'elle espérait. Calomnier, calomnier, dit Basile, il en restera toujours quelque chose. Que votre affection pour Lady Holder en serait diminuée. Pouah, dit Lady Farwar avec dégoût. Les replis de certains cœurs humains sont-ils vraiment aussi répugnants que cela? Elsa ne répondit pas. Ainsi prend fin le rubis de Buckingham. Par Gaston Charles Richard.